Je reviens dans la partie, allez ouf ta bouche avale. Rifle la matrix et j'ai les couilles encore plus grosses qu'avant. Tu veux du sale t'en auras, tira toucher au D4. Les pecs je les bombe, sous le t-shirt j'ai du C4. J'ai pas changé, j'ai évolué, soit tu pèses, soit tu stagnes. Soit tu fais tes sons en son en sortant, tu fais du cash. Je vais te faire monter en l'air, écoute mon son et c'est fini. Tu vas faire l'avion comme lors d'une intervention chez les Iris. Sous les là, je viens défouler, la haine m'a trouvé. Et je l'ai évacué sous mes Nike. Fort en maths depuis je compte le temps qui me reste. Le théorème de ma pute hardcore pour saccader chaîne qui m'aime. La haine me nourrit, la haine me sourit. Sur eux que je prends plancher pour un coup de surin. Ma vie de galérien se finit toujours par le giro de la poulaille. Cicina continue à tourner, bientôt les retrouvailles. Je veux pas faire un titre, je veux juste vivre ma vie. J'ai de la dynamite, ouais je t'invite à fuir. Je vends pas de cyclamide, je vais plus à Britamine. J'sens ma bite, ah oui si tu veux de la vitamine. Je veux pas faire un titre, je veux juste vivre ma vie. J'ai de la dynamite, ouais je t'invite à fuir. Je vends pas de cyclamide, je vais plus à Britamine. J'sens ma bite, ah oui si tu veux de la vitamine. Les mecs j'ai le seum, j'ai la dalle, j'ai le ventre vide. Les MC pète un cap tellement que je monte vite. J'vise le sommet, Jack qui mange si tu vas consommer. Du mal j'en suis consommé, j't'avance de droit quête. Histoire de faire un peu de pépette, ne mine pas poteau. Je m'en bats les couilles de prendre perpète. À part Dieu personne n'est prêt, encore à nique la police. Pour faire kiffer mes frères, j'rappe pour ceux qui galèrent dans le hall. Toujours au risque de se faire péter, j'm'écarte du PD. Les salopes sont pas qu'à se faire baiser. Ramène de la drogue histoire de me déstresser. Vu que j'ai le 11 dans ma chapeau, une grenade pour le comico. Mec, pense qu'on achète pour de la cause manning ghetto. J'veux ma part du gâteau, guetta chouguetta. Ce soir chez Begetta à 12 de shit. Chez nous y'a pas de David Guetta, que des cas sociaux et des blédards. J'ai aussi mon chinois Madine Vietnam. Je veux pas faire un titre, je veux juste vivre ma vie. J'ai de la dynamite, ouais je t'invite à fuir. Je vends pas de cyclamine, je vais plus à Britamine. J'sens ma pita, ah oui si tu veux de la vitamine. Je veux pas faire un titre, je veux juste vivre ma vie. J'ai de la dynamite, ouais je t'invite à fuir. Je vends pas de cyclamine, je vais plus à Britamine. J'sens ma pita, ah oui si tu veux de la vitamine. Je suis ton frère, je suis ton pire ennemi. Je construis mon empire gros avant que la vie ne m'élimine. Le temps passe, est-ce que je passe me permet de m'éloigner de la zermie. J'ai pas comment cette vie là, oui, j'ai peur que l'histoire se termine. J'ai prié le ciel, j'ai rien vu, donc j'ai pris les armes. Que Dieu me pardonne si ma vie, frère, n'est qu'un désastre. Maintenant, quand je me lève, je pense au bif, je pense à la famille. J'en compte le butin, pas assez pour fuir la famine. J'ai pas peur d'être seul, je les baisse tant que le bif est avec moi. Hey, le Z, c'est ma femme, et ouais, j'aime la thé. Toi, le monde tournera avec ou sans moi, je m'accroche pas à la vie. Je porte mes couches, je finirai debout à la fin de la story. A cette heure-ci, la vola et tourne, moi, je reste en bas. 20, 30, 40, 50 kills et je remballe. Et avec ça dans le coffre, les keufs sont à prendre que j'ai le permis. 2010 je commence avant que tout se termine. Je veux pas faire un titre, je veux juste vivre ma vie. J'ai de la dynamite, ouais je t'invite à fuir. Je vends pas de cyclamine, je vais plus à Britamine. J'sens ma bite, ah oui si tu veux de la vitamine. Je veux pas faire un titre, je veux juste vivre ma vie. J'ai de la dynamite, ouais je t'invite à fuir. Je vends pas de cyclamine, je vais plus à Britamine. J'sens ma bite, ah oui si tu veux de la vitamine gros.